Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira amma ba'du. Bismillah tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariya بالشرح طرر البهية للإمام شوكاني رحمه الله رحمة واسعة et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours dans le chapitre, sous-chapitre dans Kitab Tohara, Salatu Tatawwu, la prière surrogatoire. Et nous avons vu les rawatib ainsi que la salat ad-duha. Et nous avons vu aussi salat al-layl, la prière de nuit. Donc, bismillah, nous allons continuer dans le même chapitre. Et nous allons voir tahiyyatu al-masjid. Donc l'imam Shawkani dit qawluhu wa tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid, ce sont les deux rakats qu'on fait lorsqu'on rentre dans la mosquée. Donc les fuqaha ont nommé cela tahiyyatul masjid, mais c'est pas venu dans un hadith ce nom là. C'est un nom fiqhi, de jurisprudence seulement. Donc, l'imam Shawkani dit « wa tahiyyatul masjid » et la salutation de la mosquée. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est « Iza dakhala ahadukumul masjidah » il dit « Si l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, fala yajlis » qui ne s'asseye pas, hatta yusolli rakate, jusqu'à ce qu'il prie deux rakats. Qui ne s'asseye pas jusqu'à ce qu'il prie deux rakats. Alors ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim, et c'est le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala an. Afwan, c'est le hadith de Abi Qatada. Le hadith de Abi Qatada. Wa tasmiyatuha tahiyyatul masjid. Sa nomination tahiyyatul masjid, tasmiyatu fiqhiyya. C'est une nomination de jurisprudence du fiqh. C'est-à-dire, anna al-fuqaha hum man sammaha bizalik. Ce sont les fuqaha qui ont nommé cette prière ainsi. Tahiyyatul masjid. Voilà qu'en la base, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cette prière. Qui est quoi? Iza dakhala ahadukumul masjid. Si l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, fala yajlis. Qui ne s'asseye pas, hatta yusolli rakate. Jusqu'à ce qu'il prie deux rakats. C'est-à-dire, prie deux rakats avant de s'asseoir. Donc, le jugement de cela, le jugement, est-ce que c'est une obligation ou c'est une sunna? Alors, annaha sunnatun bil ittifaq. C'est une sunna bil ittifaq, par le consensus des savants. Lam yukhalif zalika, et non contredit cela que illa ba'di ahli al-zahir. Sauf certaines personnes de Az-Zahiriyya. Wa hum masbuquna bil ijma. Car ils sont dévancés par le ijma. C'est-à-dire, ici ce sont les Ahl-Zahiriyya qui ont dit que c'est obligatoire. Awalan, il faut que vous sachiez que les Ahl-Zahiriyya yahkumuna ala al-hadith bil-zahir. De façon apparente. Pourquoi ils ont contredit les autres en disant que c'est obligatoire. Et ils disent que Tahiyatul Masjid, c'est obligatoire. Mais les autres disent que c'est sunnah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur les hadiths. Et ils ont dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْرِسْ. Le fala yajlis, c'est un nahu. N'est-ce pas? C'est une interdiction. Ça va? Donc, ils disent que c'est obligatoire. Mais le ijma, c'est le ijma qui enlève l'ordre de l'obligation à ce qui est recommandé. Pourquoi? Parce que même si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, wa illa as-sahaba radiyallahu anhum ma kanu yushaddiduna fi zalik. Vous comprenez? Ils n'insistaient pas trop sur cela. Il y a certains ordres qui sont les ordres istihbab, qui sont pas des ordres wujub, des ordres de recommandation. Vous comprenez? Comme par exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à une personne qui veut boire de l'eau de ne pas s'arrêter pour boire de l'eau. Voilà que le fait de ne pas s'arrêter pour boire de l'eau, est-ce que c'est interdit de s'arrêter pour boire de l'eau? Là, mais ce n'est pas interdit. Mais celui qui s'assoit pour boire de l'eau, il a les hasanat. Ou bien, hakaza. Donc voilà pourquoi le cheikh dit وَكَذَلِكَ حَدِيثُ الْعَرَبِي. Le hadith du Arabi, du Bédouin, lorsqu'il a dit au prophète هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا. Est-ce que j'ai d'autres prières obligatoires à part les cinq prières? C'est ce qu'est le jima. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit? قَالَ إِلَّا أَن تَتَوَّى. Sauf si tu le fais tatawwu'an, par ta volonté. Pourtant, les cinq prières sont connues. Est-ce qu'il a dit, parmi les actions, les prières obligatoires, il a mis tahiyatul masjid? Hein? Donc, voici le dalil aussi qui montre cela. Que tahiyatul masjid n'est pas une obligation. Qala Ibn Hazm. Ibn Hazm, il dit, وَاتَّفَقُوا أَنَّ كُلَّ صَلَاتٍ مَا عَدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Ils sont tous unanimes que toutes les prières, en dehors des cinq prières, وَعَدَى الْجَنَائِزِ, en dehors de la prière sur le mort, وَالْوِتْرِ, et le witr, وَمَا نَظَرَهُ الْمَرْ, et l'engagement qu'un homme a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de cela, laissat fardon. Toutes les prières, aucune prière n'est obligatoire. Ah voilà les cinq prières, ça c'est connu. La janaïs, c'est une obligation qui n'est pas fardul aïn, mais qui est fardu kifaya. C'est une obligation sur l'ensemble des musulmans. Mais s'il y a des musulmans qui le font, l'obligation quitte sur les autres. Mais s'il y a un mort et que les musulmans, personne n'a prié sur le corps, alors tous les musulmans sont dans le péché. C'est ce que nous appelons fardul kifaya. Quant à la salat al-witr, alors cela est connu de la sunna que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé. Hatta lorsqu'il était en voyage, il n'a jamais délaissé salat al-witr. Donc ce qui montre que ce n'est pas une obligation, mais c'est sunnat mu'akkada. C'est une sunna insistée qui a la daraja même de l'obligation. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'arrivait pas à prier le witr dans la nuit, il remboursait cela dans la journée. Mais il remboursait pas en witr, il remboursait en Shafa, c'est-à-dire 2 rakat, 4 rakat, ainsi de suite. Ça va? Tayyib. Ensuite, nous allons voir Et si Tahiyatul Masjid, quels sont les jugements? C'est une sunna. Le jugement de Tahiyatul Masjid, c'est une sunna. Qawluhu, et sa parole. Wal istikharatu, et la prière de consultation. C'est ce qu'on appelle istikhara. Dalil mashru'iyatiha, la preuve qui montre que c'est permis, c'est légiféré. Ma akhrajahu al-Bukhari, c'est ce qu'a rapporté l'imam Bukhari dans son authentique, d'après Jabir ibn Abdullah, qui dit kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha, et nous enseignait la istikhara dans toutes les choses. Kama yu'allimuna, comme il nous enseignait à sourate min al-Qur'an, la sourate du Qur'an. Voilà ce que les musulmans oubliaient aujourd'hui. Wataraku al-istikhara. Et la hamma muslim, si le musulman a un souci ou a une difficulté de choisir entre deux choses, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la istikhara. Et le musulman da'iman, il a des problèmes, il a des soucis, donc da'iman il doit faire al-istikhara. Il doit faire al-istikhara. Et c'est ce que Jabir ibn Abdullah a dit ici dans ce hadith. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la istikhara comme il nous enseignait la sourate du Coran. N'est-ce pas? Donc, yakulu, il dit, idha hamma ahadukum bil amri, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque l'un d'entre vous, hamma bimana, on peut dire, prendre la décision, ou bien, il a le souci de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Falyarka rakate. Il doit faire deux rakats. Min ghayril farida. Sans que ce ne soit une prière obligatoire. Summa liyakul. Ensuite, il dit. Voici l'invocation, il faut la prendre. Ce n'est pas long. Allahumma. Ya Allah. Oh Allah. Inni moi. Astakhiruka. Je te consulte, bi'ilmika, par ta science, wa astaqdiruka bi'kudratika, et je te demande par ta capacité, wa as'aluka min fadlika, et je te demande de ta grâce, fa innaka, ô Allah, toi, taqdiru, tu es capable, wa la aqdir, mais moi je ne suis pas capable. Wa ta'alamu, tu sais, wala a'lamu, et moi je ne sais pas. Wa anta, et toi Allah, allamul ghuyub, tu es le savant de l'invisible. Allahumma, ô Allah, fa in kunta ta'lamu, si tu sais, anna hadha al-amr, que cette affaire, ensuite, tu sammihi bi'ayn, tu nommes cette chose-là. C'est-à-dire, par exemple, si tu sais que cette affaire, yani, in kunta ta'alamu, anna zawaji, bihadihi al-mar'a, khayran li, fi ajili amri, donc, wa akibati amri, ça vient, dans une autre version, khayran li fi ajili amri wa ajili. Ça va? Si tu sais que c'est un bien pour moi, fi ajili, c'est de façon précipitée, wa ajili, et de ce qui va venir après. Tu sais que c'est un bien pour moi. Ensuite ici, d'autres vont poser la question. Mais quant à celui qui ne peut pas dire son affaire dans la langue arabe, qu'il le fasse dans sa langue, la basabi. Ça va? Mais la doua, il le fait en arabe. Ça va? Watusami. Car ici, ça n'a pas été spécifié que cela doit forcément se faire, c'est-à-dire ce que tu veux réciter, yani le problème que tu veux consulter Allah pour pouvoir connaître si c'est un bien pour toi ou pas, que tu dois mentionner forcément en arabe. Si tu ne parles pas l'arabe, tu mentionnes, hein, inkuntata alamu, que le mariage, khayran li, hein, fi ajili wa ajili. Donc, tu nommes cela. Qala, et ensuite il dit, au fi dini, ou bien dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie, wa akibati amri, et dans la fin, de ce qui va venir après, dans cette affaire. Alors, si c'est un bien pour moi, dans tout cela, faqdurhu li, Allah décrète cela pour moi. Décide cela pour moi. وَيَسِّرْهُ لِي et facilite-moi cela. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي ensuite Allah bénit cela pour moi. اللهم O Allah إِن كُنْتَ تَعْلَمُ si tu sais أَنَّهُ شَرُّ لِي que c'est un mal pour moi فِي دِينِ dans ma religion وَمَعَاشِ dans ma vie وَعَقِبَةِ أَمْرِي et la fin tu sais que devant ça serait pas bien pour moi. Donc, au qalati ajili amri. Ou bien, il peut dire fi ajili. Au lieu de akibati amri. Ajili amri. C'est la même chose. Wa ajili. Et, ce qui va venir après. Fasrifni an. Allah détourne-moi de cela. Wa khdurli. Et décrète pour moi. Al khayra. Le bien. Haïsoukana. Partout se trouve le bien. Somma rabbini bihi, et fait que j'accepte ce bien. Fait que j'accepte ce bien. Donc voici la doua à l'istikhara. Non? Tahiyatul masjid. On a déjà dépassé ça. Tahib, vas-y. Non. C'est ce qu'on a dit, ce n'est pas une obligation. C'est une sunna. Ça va? S'il arrive que quelqu'un, comme on voit certaines personnes, lorsque quelqu'un vient en retard dans la Jumu'ah, tu vois l'imam, il reste, il dit, toi là-bas, lève-toi, tu as fait deux rak'a. D'abord, tu l'as mis dans une disposition où tout le monde va le regarder. Pour quelque chose qu'un sunna. Non. C'est Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Avec ses compagnons. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, tu lui adresses la parole comme ça. Ou tu lui dis cela. Sayansaruhu sadru. Est-ce que son cœur va s'ouvrir pour écouter la vérité après? Je vous demande. Hein? Oui, mais ça quand il s'agit des gens qui sont proches de toi. La hikma, dans le fait d'interpeller quelqu'un, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il interpellait les compagnons d'une certaine manière dont il n'interpellait pas les autres. Si par exemple c'est vous, et que vous venez en retard, je peux vous dire, levez-vous, vous priez, parce que vous connaissez la mas'ala. Vous comprenez? Parce que nous avons appris ensemble. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas, il arrivait dans la mosquée, il s'est assis et puis il dit, lève-toi, prie! Maza yahdous. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Non, il s'est là frustré. Regardez, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, Ousmane est arrivé à la mosquée en retard. Pendant qu'il était sur la khutbah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, pourquoi tu es venu en retard? N'est-ce pas? Mais ceux qui sont nouveaux, est-ce qu'il fait cela avec eux? Là. Le Arabi qui a pissé dans la mosquée, les compagnons ont voulu le faire tasdir. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur Hassan Daou, laissez-le jusqu'à ce qu'il finisse. Il a fini, il lui a parlé de la plus belle manière. Mais s'il disait, prenez-le, jetez-le. Mais avec d'autres compagnons, par exemple, il peut agir dans cette dureté-là. Donc l'examiner hikmah, c'est ce que je vais dénoncer. Le fait de dire à cette personne, lève-toi, prie. Là. Tu peux le faire avec les gens qui sont près de toi, qui te connaissent, qui savent pourquoi tu as fait ça pour enseigner les autres. Mais le faire avec quelqu'un qui n'est pas habitué à toi, quelqu'un qui n'a pas la science, quelqu'un qui ne connaît rien, tu le fais devant tout le monde. Ça ne fait pas partie de la sagesse. C'est compris? Donc dans ce genre de cas, lorsque yani, c'est difficile pour toi de prendre les ablutions avant de venir voir la personne, c'est une sunna. Tu t'assois, tu l'écoutes. Ça va? Si tu as fait tahiyatul masjid, tu auras le mérite. Mais si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas de péché. Ça va? Masallallahu alayhi wa sallam. C'est bon? Donc, ici, à l'istikharatu, le sens de la istikhara, c'est talabu khayr al-amrayn. C'est de demander le bien entre deux choses. Ça va? Le bien de deux choses. Min Allah, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ça se fait comment? Wa tad'u ba'da salam min rakatayn. Tu fais l'invocation après le salam, de deux rakat. Ça va? Pas comme certains le disent, arrivant en sujoud, il faut réciter istikhara. Ça va? Arrivant en sujoud, il faut le faire. Tu fais l'invocation après le salam des deux raka. Wa yajuzu, et c'est permis, an tajma bayn al istikharati wa raka'ati sunnat al fajr. Que tu rassembles entre les sikhara et les rakaté de sunnat al-fajr. Par exemple, sunnat al-fajr, c'est deux rakat, n'est-ce pas? Tu viens à la mosquée, tu as l'intention de faire les sikhara. Tu prends l'intention des sikhara, en même temps l'intention de sunnat al-fajr, et tu fais les deux ensemble. Deux rakat, tu finis, tu soulèves la main, tu fais ta doua. Ça va? Naam, al-asr, c'est ce qui est la base. La base dans les doua. Ça va? La base dans les doigts, quand tu te lèves la nuit pour prier, tu lèves la main pour où? Ça c'est la base. Sauf les endroits où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. On l'a vu dans des endroits, il ne l'a pas fait. Sinon la base c'est de soulever la main dans les invocations. Là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il levait la main de trois façons. Première façon, au niveau de sa poitrine. Deuxième, au-dessus de sa tête. Et souvent, il soulevait carrément jusqu'à on voyait ses aisselles. Ça va? Fais l'effort de montrer, non, coller la main. Ça, c'est pas venu. Tu soulèves la main. Le sifa, tu peux le faire comme tu peux. Mais, pour dire forcément coller la main. Soulève les deux mains, fais la doua. Et fais en sorte que tu sois dans une position de besoin au maximum. Comme tu es devant ton maître, tu as besoin de lui. Soulève la main comme ça. Hein? Et tu l'invoques. Kullu hadha jaiz. Tout cela est permis. Ça va? Oui, non? Après les prières obligatoires, les examiner sunna. Ça ne fait pas partie de la sunna, non. Ça ne fait pas partie de la sunna. On ne soulève pas la main dans les endroits où le professeur Hassan ne l'a pas fait. Ça va? Dans les endroits où il ne l'a pas fait. Après la prière, il ne l'a pas fait. Comme le dit le Cheikh Ousseymin, rahimahullah, et beaucoup d'entre les savants parmi le Cheikh Albani et d'autres, il ne l'a pas fait. Donc, après la prière, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les askar. Ça va? Mais voilà qu'il y a un doua entre l'azan et l'iqama. La doua entre l'azan et l'iqama, alors en ce moment, on soulève la main. Parce que la base, c'est cela. Ça va? La base, c'est cela. Sauf les endroits où on l'a pas vu. Les compagnons disent qu'il n'a pas soulevé la main. Là, on ne soulève pas la main. C'est compris? Non. Donc, on peut continuer. Hein? La doua. Non, la doua, ce qui est mieux dans la doua, c'est à tadarru. Sinon, il n'y a pas d'interdiction. C'est de le faire entre toi et Allah. Ça va? Non. Donc, aussi, il est permis de faire, de rassembler, salat et istikhara, et puis sunnat zuhr. La sunnat du zuhr, c'est-à-dire, la prière qu'on fait avant de prier zuhr, ou bien après. Ça va, les rawati. Ou autre que cela, minan nawafil. Même salat ou duha, tu peux rassembler l'intention de sikhara avec salat ou duha. Ça va? Taïb. Wa la tantazir, et n'attends pas. Ba'da zalika antara ru'yan, que tu vois un rêve. Ou ghayriha. Ou bien autre que cela. Parce que d'autres disent, dès que tu finis, tu vas voir un rêve. Allah va te montrer, c'est-à-dire Allah va te faire wahyu, hein, une révélation, pour te dire, ça c'est permis, ça c'est pas permis de faire. Si wa, en dehors, ma yan sharihu lahu sadru, en dehors du fait que son cœur sera apaisé. C'est-à-dire dès qu'il finit de faire la istikhara, il verra que son cœur penche beaucoup vers cela, ça peut arriver. Ça va? Ala kulli hal. Regardez à l'istikhara, la faïda de la istikhara. Le bénéfice de la istikhara. Lorsque tu décides d'une chose, tu veux le faire, et puis, tu décides de le faire. Tu veux le faire quand même. Tu as l'amour pour cette chose-là. Si tu fais l'istikhara, et que tu fonces sur cette chose, la faïda de l'istikhara, c'est que s'il n'y a pas ton bien, déjà Allah te détourne. Même si tu aimes cette chose-là, Allah met des causes qui te détournent de cette chose-là. Ça va? Donc, Rubama, il n'y a pas ton bien. Parce que tu as dit à Allah, « In kunta ta'alam wa anna hazal amr khayran li, wa in kunta ta'alam anna hazal amr sharran li. » S'il y a un bien pour moi, facilite. Mais s'il n'y a pas de bien, Allah, détourne-moi de cela et accorde-moi meilleur. Khalas, inta al-maudu. Allah, kulli hal, tu gagnes. N'est-ce pas? Voilà la faïda de l'istikhara. Ton cœur peut être sur une chose. Tu fais la istikhara. Ne pense pas que la istikhara va venir détourner ton cœur. Là. Comme certaines personnes le pensent. Là. Tu fonces sur cette chose. S'il y a un bien pour toi, Allah efface-le. Si c'est mauvais pour toi aussi, Allah va mettre des causes qui vont te détourner de cette chose. Soit, il va mettre dans ton cœur le fait que toi-même, tu verras plus du bien dans cette chose et tu vas délaisser. Ou bien soit, il va faire que ça soit difficile pour toi. Et tu ne pourras pas le faire. Allahu musta'an. Ah. Non, ce qui est venu, c'est, tu fais la istikhara pour insister, j'ai pas vu de preuve à ce sujet. Mais la istikhara, ce qui est connu, ce qui vient dans les kutub de hadith, les kutub de istikhara, c'est chaque fois que tu décides une chose, fais une istikhara. Ça va? Ceux qui insistent, généralement, ils attendent quelque chose. Quand ils font, ils voient pas. Ils veulent voir quelque chose. Donc après, ils font encore. Il ne voit rien. Après, il fait encore. Il insiste. Hein? Non, n'insiste pas. Hein? Qu'Allah nous aide. Donc, wa yassiru laka, et Allah te facilite asbab. Te facilite ses causes. Wa amma dalil rak'atayn. Donc, on va parler maintenant des deux rakat entre azan et iqama. Parce qu'on entend parler des sunan. N'est-ce pas? Wa ma dalil rak'atayn bayna kull azan wa iqama. Quant à la preuve des deux rakat entre tout azan et iqama. C'est-à-dire quand lorsque l'imam finit de faire le azan, et avant le muezzin finit de faire le azan, jusqu'à la prière, il y a deux rakat sunna. Ça va? Donc quelle est sa preuve? Fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui vient dans Al-Bukhari wa Muslim. Et c'est le hadith d'Abdullah ibn Mughaffal. Qui dit, قال رسول الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. Entre chaque deux أذان il y a la prière. بين كل أذانين صلاة. Entre les deux أذان il y a la prière. Il a dit cela trois fois. Il a dit ثم قال لمن شاء. Il dit mais celui qui le veut. Cela montre ici que c'est une sunna pour celui qui veut le faire. Tayyib, al-murad bil azanayn. Ce qui est voulu par les deux azan, c'est al-azan wa al-iqama. Le fait de dire les deux azan, c'est al-azan wa al-iqama. Parce que certaines personnes se basent, si ce hadith vous dit, la iqama, comme c'est venu dans la parole de certains savants, ils disent que la iqama, on doit répondre comme l'azan. Parce que le prophète a nommé les deux azanin. Ça va? Wa sahihu, c'est que le azan, on répond, mais la iqama, on ne répond pas. Ça va? Lorsque le muezzin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shadun la ilaha illallah, shadun la ilaha illallah. Et il y a d'autres même des qui finissent de dire, la ilaha illallah. Il finit, tu attends Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après. Ça même c'est une innovation. Le fait de dire, lorsque tu entends souvent, juste après la iqama, tu entends d'autres personnes, lorsque il dit, La ilaha illallah. Ça va? Il fait la iqama. Ça va? Et puis il finit. Tu entends? D'autres disent, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il commence à faire des doigts. C'est une innovation. Hada hatta fil azan majar. Ah, c'est pas venu même dans le azan. Fa kayfa fil iqama. C'est une innovation. Donc, est-ce qu'on dit quelque chose là-bas? La dalila ali. Tayyib? Non? Non? La tukhliful mi'ad, c'est daif. La tukhliful mi'ad, c'est daif. Tayyib. Donc ici, il dit wal muradu bil azanayn. Ce qui est voulu par les deux azan, c'est al azan wal iqama. Et wa hadha taghribun. Taglib ou maruf ou inda l'arabe. Ce taglib là, c'est connu chez les arabes. Quand ils veulent donner quand ils veulent parler de deux choses, ils prennent ce qui est le plus facile pour désigner les deux. Tel que par exemple, kakaoulihim al-kamaran. Al-kamaran. C'est-à-dire les deux kamars. Est-ce qu'il y a deux kamars? Là, mais ils veulent parler du soleil et de la lune. C'est-à-dire al-shamsuwa ou al-kamar. Ça va? Tel que par exemple, ils disent al-umaran. Les deux Omar. Il veut parler de Abu Bakr wa Omar. Wa Aswadan. Ça va, les deux noirs. Il veut parler du Tamr et de l'eau. Ça va? Fayafaluna zalika fi shay'ain. Ils font cela au sujet de deux choses. Al-Mujtama'ain, qui sont rassemblés. Wa yughallibuna al-isma, mais ils placent au-dessus le nom qui est Akhaf, qui est plus facile. Ghaliban. De façon générale. Ça va? Tayyib. Comme par exemple, si je vois Huzaifa avec une personne et je vais les désigner les deux. Si le nom de Huzaifa c'est plus facile, je dis Huzaifa Tan. Les deux Huzaifa. Hada la salib, tabil, taglib. Ça va? وأعظم فضيلة لكثرته التنفل. Et la plus immense mérite pour plusieurs prières sur le gâteau, c'est-à-dire le fait de multiplier cela. Ma warada fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est venu dans sa parole, an rabbihi, le hadith qui remonte, vers Allah, qui est hadith al-Qudusi. Dans le hadith al-Qudusi, Allah dit, wa ma yazalu abdi, et mon serviteur n'a pas cessé, yataqarraba ilayya bin nawafi. Se rapprocher de moi par les prières sur le gâteau, hatta uhibba. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc, si tu veux l'amour d'Allah, voici l'une des causes. Multiplie. Tu as plusieurs prières sur le gâteau. Dans la journée, tu commences par les rakaat et le fajr. Ensuite, tu pries la prière de fajr. Tu t'assois, si tu as la capacité dans la mosquée, pour faire tes askars jusqu'au lever du soleil. Tu restes sur ta place. Lorsque le soleil se lève un peu et quitte, c'est-à-dire le tolo, un peu, c'est-à-dire 10 minutes après le lever du soleil, tu pries 2 rakats. Tu auras le mérite de celui qui a fait une umrah complète. Ça va? Ensuite, dans la journée, pour ceux qui disent les deux prières sont pas pareilles, tu fais salatul duha. Aux environs de 10h, 11h, tu fais salat duha. Ensuite, salat duha, tu attends jusqu'à zohr. Tu fais 4 rakats avant zohr. Et tu pries ton zohr. Après zohr, tu fais 2 rakats. Ça va? Chaque fois qu'il y a azan iqama, tu fais 2 rakats. Chaque fois qu'il y a azan iqama, juste après le azan jusqu'à l'iqama, tu fais 2 rakats. Ensuite, après maghrib, tu fais 2 rakats. Après isha, tu fais 2 rakats. Et tu te lèves la nuit, même si c'est 2 rakats, tu le fais. Tu auras complété les prières sur le gâteau. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, wa qawluhu inna awwala, et aussi, ce qui montre le mérite, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, inna awwala ma yuhasabu bihi l'abdu yawm al-qiyama. La première chose dont le serviteur sera jugé dessus le jour de la résurrection, c'est as-salah, c'est la prière. Fa in atammaha, s'il a complété la prière, wa illa qil. Sinon, on lui dira, on dira, hal lahu min tatawu. Regardez, est-ce qu'il y a une prière surrogatoire, qui l'a? Fa'in kana la utatawo, si la prière surrogatoire, okmilat al-farida. On prend pour compléter la prière obligatoire. Min tatawo'i, de ces prières surrogatoires. Summa yufalu, ensuite on fait cela, bisa'ir al-amal al-mafrouda. Avec toutes les actions obligatoires, misla zalik, la même chose. C'est-à-dire, le jeûne. On regarde s'il a des jeûnes surrogatoires. Si le jeûne de Ramadan, il ne l'a pas complété. On regarde s'il a des jeûnes surrogatoires et on prend pour compléter son jeûne obligatoire qui est incomplet. Ainsi de suite. Donc, wa hakadha yakfi al-muslim al-haris. Et cela suffit pour le musulman qui est ardent. Qui a la mahabbatillah, qui veut obtenir l'amour d'Allah ou le khalas et se débarrasser min azabillah, du châtiment d'Allah yawm al-qiyama, le jour de la résurrection, l'il-hirsi, donc il va faire plusieurs efforts à la kasrat et tanafoul, de faire plusieurs prières sur le gâteau ou al-jid fizalik, et faire l'effort dans cela. Tayyib, naam. Donc nous avons fini ce chapitre, ce sous-chapitre qui est Babu Solati Tatawo. Et nous allons rentrer dans le chapitre suivant, toujours dans Kitab Sola, Babu Solati Jama'a. Le chapitre de la prière en groupe. La prière en groupe. Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit. طيب، إذا باب صلاة الجماعة، chapitre, la prière en groupe. Aï, c'est-à-dire, bayanu, la clarification, hukmi salat al-jama'a, le jugement de la prière en groupe, wa ahkamiha, et ses jugements. Qala, il dit, wa hiya akadu sunan. C'est la parole de l'imam Shawkani. Il dit, c'est la plus insistée des sunnah, la prière en groupe. La parole de l'imam Shawkani, c'est-à-dire, ay al-mustahabbat, parmi les choses préférables. Ici, on parle de la prière en groupe, c'est-à-dire prier en groupe entre vous-même. Mais la mas'ala de prier en groupe à la mosquée, on va venir sur cela. Ça va? Prier en groupe est akadu sunan. Mais s'il y a une mosquée, prier à la mosquée est une obligation. Ça va? Voyez. Wa kaunu salat al-jama'a, la situation de la prière en groupe, afdol min salat al-fard, est meilleure que la prière seule. Famimma la shakafi, et cela fait partie de ce qui n'y a point de doute. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, salat al-jama'a tafdulu salat al-fard. La prière en groupe a plus de mérite que la prière seule. Al-fard, c'est seul. Et a plus de mérite que cela, bisab'i wa ishrina daraja, par 27 degrés. Ça va? Wahaza, et ce hadith est rapporté par le Bukhari, et dit wahaza yadullu ala anna salat al-munfarid, cela montre que la prière seule, sahihatan wa maqboula, est correcte et acceptée. Ça va? Léanna izakulna, regardez bien la masse, alors vous allez comprendre. Si nous disons mutlaqan que la prière en groupe est obligatoire, cela veut dire que celui qui prie seul sa prière, est nul. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le hukum? Le hukum, c'est que la prière en groupe est afdol. Maintenant, si on quitte dans cette masse, alors la prière en groupe à la mosquée, ça c'est notre masar. Sinon la prière en groupe est afdol. Si on dit la prière en groupe est obligatoire, mutlaqan, alors on dira quoi? Que celui même qui prie seul, tant qu'il ne prie pas avec quelqu'un, sa prière n'est pas acceptée. Non. Non. Il a coulé, effectivement, comme tu le dis, mais ton analyse, nous regardons ce qui est ici. C'est pas toi ton analyse. Ça va? Ce que nous disons, ici, il y a deux différentes choses. La prière en groupe est meilleure que la prière unique. Celui qui prie seul, sa prière est acceptée. Mais celui qui ne prie pas en groupe, sa prière, ça ne veut pas dire que le fait de prier seul, sa prière n'est pas acceptée. Mais voilà qui la masse à la de prier à la mosquée, celui qui ne le fait pas sciemment et prie chez lui à la maison, il y a une source qui vient pour montrer que sa prière n'est pas acceptée. Tu comprends un peu? Et on va revenir sur cela. Pour te dire qu'il y a une légère différence dans cela. Celui qui prie, la prière en groupe de façon générale, nous ne disons pas que c'est une obligation de façon générale. Mais c'est une obligation la prière en groupe à la mosquée. Est-ce que vous comprenez la différence? Alors ici, il dit, walakin, hal haza, hal salat al-jama'a fil masjid, wajibatun am mustahabba. Vous avez vu maintenant, le cheikh, il a fait le fosfis. Il dit, est-ce que la prière en groupe dans la mosquée est une obligation de mustahab? Là, il a fini de dire que la prière en groupe de façon générale est mustahab. Maintenant, la mas'ala, est-ce que dans la mosquée, parce que s'il y a une mosquée dans un quartier, la prière en groupe maintenant dans la mosquée devient une obligation. Mais s'il n'y a pas de mosquée, est-ce qu'on dira que si tu ne pries pas en groupe, ta prière n'est pas acceptée? Il faut comprendre. Hein? Taïb, nous continuons. Après, tu vas comprendre. Donc ici, il dit, « Ikhtalafa ahlul ilm fi zalik. » Les savants se sont divergés à ce sujet. « Wassohi, mais ce qui est correct, anna salat al-jama'a fil masjid. » Voilà pourquoi dans la masse, à la chaque fois, s'ils veulent rendre obligatoire, ils disent « fil masjid. » Là, on ne parle pas de la généralité. Vous comprenez? Mais on parle de façon spécifique dans la mosquée. Ça va? Toyib. Fil masjid, ce qui est sahi, c'est que la prière en groupe dans la mosquée est wajiba. Est obligatoire à la rijal sur les hommes, alladhina la uzra lahum, ceux qui n'ont pas d'excuses. C'est compris maintenant? Les hadiths d'Abu Huraira. À cause des hadiths d'Abu Huraira qui dit, qala ata rajulun ama, un homme aveugle. Est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ya Rasulallah, il dit au messager d'Allah, innahu laysa li qa'idun, je n'ai pas un guide, yaquduni ila al-masjid, qui va me guider à la mosquée. Fasa'ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou lui demandait an yurakhisa lahu, qu'il l'autorise, fa yusalli fi bayt, pour prier à la maison. فَرَقَّسَ لَهُمْ Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a permis. فَلَمَّا وَلَّا Lorsqu'il a tourné le dos, il partait. دَعَهُ Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَى بِالصَّلَةِ Est-ce que tu entends l'azan? قَالَ نَعَمْ Il a dit oui. قَالَ فَأَجِبْ Alors il dit répond à l'azan. Ça va? Donc ce qui dit que c'est obligatoire à la mosquée, il se base sur ce hadith. Ça va? Il se base sur ce hadith. Naam. Naam. Envoie-moi le chargeur. Naam. Naam. Un sunni. Comme c'est les innovateurs, tu ne pries pas derrière eux. Non. Cette masala, on prie derrière les innovateurs, sauf ce que les innovations les amenaient à la mécréance. Sinon, on prie derrière les innovateurs. Ça va? Ceux qui ont de l'innovation, tant que leur innovation ne leur a pas mené à la mécréance. Parce que si l'innovation te mène à la mécréance, alors tu n'es plus musulman dans la charia. Même si tu pries avec les musulmans, tu n'es plus musulman. Et l'innovation est de deux sortes. Il y a bid'atun mukaffira wa bid'atun mufassiqa. Il y a la bid'a qui te rend pervers, il y a la bid'a qui te rend mécréant. Ça va? La bid'a de Jahmiya. La bid'a des Jahmiya, des Mu'tazila. Tel que par exemple ceux qui nient les sifat d'Allah. Par exemple, ceux qui disent que Allah n'est pas sur son trône. Ça c'est une bid'a qui est mukaffir. Pourquoi? Parce que Allah dit, Summa stawa ala al-arsh. Il est au-dessus de son trône. Tous les hadiths là montrent que Allah est au-dessus du trône. Au-dessus des cieux. Mais eux, ils disent qu'Allah est partout. Toyim. Nous disons, la science d'Allah est partout. Allah voit tout, il sait tout. Mais Allah lui-même, son entité n'est pas partout. Ça va? Bon, celui qui vient, il dit, je refuse. Allah n'est pas sur son trône. L'innovation qu'il a apportée ici, c'est l'innovation Mufassira ou Mukassira. Mukassira. Mécréance, n'est-ce pas? Et les Jahmiya qui disent que le Coran est créé. Le Coran est une créature. Ça va? Au Coran est enseigné. Pourtant, le Coran, si tu dis que le Coran est créé, le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est comme tu dis, la parole d'Allah est créée. Si moi je suis créé, si ma parole est créée, ça veut dire que moi-même je suis créé, je suis une créature. Parce que la parole qui vient de moi sort de moi. C'est une partie de moi. Vous comprenez? Donc ceux qui disent que le Coran est créé, comme l'a dit l'imam Ahmad, s'ils savent, alors ils sont rentrés dans une mécréance. Donc ceux-là, les bidas, c'est connu. Et ceux aussi, au jour d'aujourd'hui, qui sont réellement sur la tidjania réelle, leur bidas aussi, c'est une mécréance. Je ne dis pas ceux qui ne sont pas au courant et qui disent non, nous sommes tidjanites, ils ne sont pas au courant. On ne parle pas d'eux. Les vrais tidjanites, leur bida est une mécréance. Les vrais tidjanites ne sont pas musulmans. Limada. Parce que dans Jawaz Mahani, dans le livre de la Cheikh Ahmad Tidjan, il dit clairement que Salat al-Fatih récité est mieux que le Coran. C'est une parole de quoi? Mécréance. Et il dit que tous ceux qui vont croire en lui, Ahmad Tidjan, ils ne l'ont pas vu, vont rentrer au paradis avant les compagnons. Hein? La Moustan. Donc, en réalité, il a beaucoup de paroles comme ça. Beaucoup de paroles de couf. Donc, ceux qui sont réellement sur la Tidjaniya de Ahmad, de Ahmad quoi? At-Tidjani. Alors en réalité, ceux-là, ils ne sont pas musulmans. Mais la majorité de ceux que tu vois ici, Tidjani, At-Tidjani, ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas sur quoi ils sont. Seulement, c'est les askar qu'on les donne, hein, c'est ça qui est Tidjani. Hein? Sinon, en réalité, il n'y a pas autre. Hein? Donc, la réalité, si tu sais qu'ils ont de la mécréance dans les bidas, alors tu ne pries pas derrière eux. Mais si tu sais que ce ne sont que des comédiens, ils sont là en train de suivre comme ça, c'est des gens, ils ne savent pas la réalité de ce sur quoi ils sont, alors là, ils chitent à la fille. Parce qu'on ne peut pas rendre mécréant, il avait le yakin. Qu'avec le yakin, ça va? Avec la certitude. Tayyib. Barakallahu fikum. Non, zone, on ne rend pas mécréant avec zone. Non, qu'on a mis un cavrier. Et c'est les Ahmadiyya, non? Ah. Et ils disent que Issa même est mort. Ils disent qu'il est mort, enterré, sa tombe est connue. Ah. Cette parole-là aussi, Abdelmadjid dit ça. La même parole. Il a été conseillé, mais il n'a pas accepté. Il dit, Issa est mort et enterré. Pourtant, Allah dit, Wama qatalu wama salabu, wala kinshu bialam. Ils ne l'ont pas tué. Hein? Donc, ici, ceux qui disent que Issa ne va plus revenir, c'est une bida aussi de mécréance. Pourquoi? Parce que les hadiths sont venus du tawatur. Pour dire que Issa va venir. Ou bien, Sayakhruju fi akhir az-zaman al-hadith ad-dajjal. On voit, c'est qui va venir finir la fin des Dajjal? C'est Isa. Masih ad-dajjal, c'est un Messie. Et c'est un autre Messie qui va finir avec son affaire. Messie, on parle de Messie, on ne parle pas de celui que vous connaissez. On dit Messie, al-Masih. Ça va? Tayyib. Naam. Non. Hein? Salat al-Fatih. Est-ce que je t'ai dit, d'autres peuvent réciter comme ça, ils ne savent pas. Pourquoi c'est venu? Tu comprends un peu? Il y a des suiveurs et il y a ceux qui sont dedans. On ne peut pas dire que ceux-là, c'est comme tu prends la majorité des soufis, des tidjanites. Tu diras, les soufis, ce qui est connu d'eux, c'est Ibadat al-Kubur, l'adoration des tombes. Parce qu'ils vont faire des tawaf autour des tombes, Et ça, vous voyez ces trucs-là, beaucoup de trucs au Sénégal. Ils sont pleins. Là-bas, il y a des bifols, ils ne prient pas. Leur grand-père, Amadou Bamba, il a pris l'engagement avec les grands-pères, les gadis, toute ta descendance, personne ne fait plus rien. Votre paradis est garanti. Non, ils sont là. Il y a d'autres groupes aussi. Eux, c'est ce que les cheikhs là leur disent, font. Même si Allah dit le contraire, eux suivent les cheikhs dans ça. Donc, ils sont beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de tourouk. En réalité, le bida est une bida de mécréance. Mais celui qui est ignorant, celui qui le suit comme ça, jusqu'à ce qu'on l'enseigne, on ne peut pas dire qu'il est mécréant. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en place. Ah. Elle est séquelle. Voyez. Il a une règle. Il a, à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il nous donne une règle. Et la règle, c'est quoi? Da'ma. Da'ma. Yaribuk. Ilama la. Yaribuk. Si tu doutes de quelque chose, faut laisser. Mais pour dire que c'est haram, tu fous d'aller. Ça va? Il te faut preuve. Moi, je peux décider de ne pas prier derrière ceux-là. Je ne veux pas. Je ne prie pas derrière eux. Intah al-Maudou, ça c'est moi. Mais pour venir dire à quelqu'un d'autre, ce n'est pas permis, ça, j'ai besoin de Dalil. Vous comprenez? Pas. On peut continuer maintenant. Je vais interdire les questions. Hein. Je vais interdire les questions, sinon, vous... Donc ici, parmi les preuves qui montrent l'obligation de la prière en groupe à la mosquée, il y a le hadith de Abu Huraira dans les deux authentiques. Anna Nabi Sallam Hamma, le prophète Sallam a pris la décision en yuharriqa de brûler buyut al-ladina la yahduruna salat al-jama'a, de brûler la maison, les maisons de ceux qui ne viennent pas à la prière en groupe. C'est venu dans un autre riwaya, ceux qui ne viennent pas à la prière de Isha. Ça va? La prière de Isha, comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, as-salu salat ala al-munafiqin. Salat al-Isha wa salat al-Fajr. Ce sont les deux prières là qui sont difficiles et compliquées pour les munafiqs. Voyez? Wa qad amara Allah. Et donc voici la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la décision d'aller brûler leur maison parce qu'ils ne sont pas venus à la prière en groupe. Est-ce que si ce n'est pas obligatoire, il va prendre la décision d'aller les brûler? Hein? Toyib. Donc ensuite, waqad amara Allahu bil jama'a, Allah a ordonné la prière en groupe fi halil khawf, dans le moment de peur, pendant que l'ennemi est devant vous. Il a ordonné la prière en groupe. Comme cela vient dans Surat Nisa, wa idha kunta fihim faqum talahum salat. Prie avec eux, et qu'un groupe reste devant, l'autre groupe prie, après l'autre s'élève, ainsi de suite. Mais ça c'est en position de crainte. Et Allah a ordonné la prière en groupe. Toyib. Naam. Fa fi halil amn min bab al aula. Donc, dans le moment de sécurité, c'est plus obligatoire. N'est-ce pas? Wa kaza Abu Huraira indama ra'a rajulan. Et de même, Abu Huraira, lorsqu'il a vu un homme kharaja min al-masjid ba'd al-azan. L'homme est sorti de la mosquée après le azan. Qala amma hadha Abu Huraira, dit quant à celui-là faqad asaba al-qasim. Il a désobéi à Abu al-Qasim. Abu al-Qasim c'est qui? Oustaz. Non, c'est Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Et toi, la oustade, là, c'est trop si ta bouche. Wasaqa ibn Munzir fil Awsat. Donc, cette parole d'Abu Huraira vient dans le hadith qui est rapporté par Muslim. C'est ça? Tayyib. وساق ابن منذر ابن منذر أمني في الأوسط dans le livre أوسط عن جمع من الصحابة et il a rapporté de plusieurs compagnons. Ça va? جمع c'est un ensemble de compagnons قولهم la parole du وجوب الصلاة الجماعة qui vient يعني montrer l'obligation de la prière en groupe. بالقال عبد الله بن مسعود كما في الصحيح Abdullah ibn Mas'ud a dit comme cela se trouve dans Sahih Muslim la qadra aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Il dit à notre époque entre nous on s'est vu entre nous les compagnons, personne ne restait derrière pour la prière ou ne venait même pas à la prière en groupe si ce n'est qu'un munafiq qui est connu par le nifaq. الله أكبر. وقد حقق القول في المسألة ابن منذر. ابن منذر a fait le tahqiq, c'est-à-dire il a solidifié cette parole dans Al-Awsat. Ensuite, le cheikh il dit, قال رحمه الله وتنعقد باثنين. La prière en groupe, yani se concrétise ou se rassemble avec deux personnes. C'est-à-dire, à partir de deux personnes, on considère cela comme la prière en groupe. ودليل ذلك. La preuve de cela, حديث ابن عباس المتفق عليه. C'est le hadith ibn Abbas qui est unanimement reconnu authentique. قال, il dit, بيت عند خالتي. بات بيت. C'est le fait de dormir la nuit. Ou bien de faire la nuit, passer la nuit chez quelqu'un. هذا معنى بات. بات ليلة. C'est-à-dire, il a fait la nuit. مفهوم? Donc il dit bitu inda khalati, il dit j'ai passé la nuit chez ma tante. Fa qama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier la nuit. Fa qumtu usalli ma'ah. Je me suis levé pour prier avec lui. Fa qumtu an yasari, je me suis levé à sa gauche. Fa akhadhani bi rasi, il m'a pris par ma tête. Fa aqamani an yamini, et m'a dressé à sa droite. Voilà la preuve qui montre que quand vous priez à deux, l'imam est où? L'imam à gauche. Et celui qui suit l'imam est à sa droite. Ça va? Donc c'est ce qui montre cela. Maintenant ici, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en groupe ici. Il dit, j'ai passé la nuit chez ma tante. Sa tante c'est qui? C'est Maïmouna. Maïmouna, c'est la sœur de Umul Fadl. Umul Fadl, c'est la mère de Ibn Abbas. Ça va? C'est la femme de Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Umul Fadl, c'est sa sœur qui est Maïmouna, Maïmouna qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était chez sa tante maternelle. N'est-ce pas? Donc, et il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la hadanna. Wa kadhalika ra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu rajulan yusalli wahda. Un homme prié seul. Faqal, il a dit, ala rajulun. Est-ce qu'il n'y a pas un homme yatasaddaqu ala hada qui va faire la sadaqa pour son frère, fa yusalli ma'ah, pour prier avec lui. Ça va? Pour prier avec lui. Ça, c'est un dalil qui est qawi contre ceux qui disent que il n'est pas permis de faire deux jama'a dans une seule mosquée. Après la prière en groupe. Il se base ainsi sur la parole de Cheikh Albani et de d'autres savants. Voilà qui n'a sahih, la ishka la fille. Il n'y a pas de problème à ce sujet. bal yadhabuna ila tahrimi. Ils vont même jusqu'à dire que c'est haram. Voilà pourquoi lorsque d'autres personnes viennent à la mosquée, l'imam a fini de prier, yatafarraqoun, ils se séparent et ils prient, chacun prie sa prière. Et nous allons nous arrêter ici. La semaine prochaine, inshallah, avant de commencer le dars, je vous promets que nous allons détailler cette mas'ala. Bismillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Naam. Non. Bon, ici normalement tu dois être haris pour prier en groupe. Voilà, la prière en groupe comme on a parlé dans la mosquée, sa masala est très différente de ce qu'on a dit de façon générale. Ça va? Donc dans ce genre de cas là, si tu sais que tu seras en retard pour prier à la mosquée ici, alors trouve une mosquée à côté. Sauf si intaharaita, si tu as fait l'effort de chercher une mosquée que tu n'as pas trouvé, alors t'excuser. Mais fais l'effort de trouver une mosquée pour prier. Et la base, lorsque tu arrives dans une mosquée, la base c'est que les musulmans, ils sont musulmans. Jusqu'à ce que tu vois quelque chose en eux, qui les fait sortir de l'islam. Donc quand tu arrives dans une mosquée, si tu ne les connais pas, tu pries. Jusqu'à ce qu'on te dise que ceux-là, ils sont pas, ceux-là, ils ont problème de couvre ou ils ont telle chose. En ce moment, tu ne pries pas avec eux. Ça va? Mais n'importe quelle mosquée tu vois sur la route, madame, ce sont des musulmans, tout seul les marrons, tu pries avec eux. Ça va? Mais fais l'effort de trouver une mosquée pour prier à l'heure. Ça va? Non. Mais, dans le cas, selon ce que nous avons vu là, dans le cas où je passe devant une mosquée, vraiment, après Maghrib comme ça, je viens pour la soirée. Après Maghrib, je mettais toutes les lumières et puis ils sont en train de. Il fait beaucoup de bruit à l'intérieur. Mmh. Telle mosquée là. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de. Les askars. Non, la généralité de ceux-là, c'est ceux-là qui rentrent dans le couffre. Parce qu'ils ont des croyances. D'autres même déposent des pagnes blancs. Et puis disent qu'Abou Bakr, Omar, Ousmane, ils vont venir s'asseoir. Ils vont s'asseoir pourquoi? Voilà ce qui moule le cosson. C'est eux, vous faites les askars là pour eux les appeler pour qu'ils viennent. Allah kufrun billah. N'est-ce pas? Donc si tu vois cela, fakhruj. Sors et va prier ailleurs. Hein? As-salamatu la ya'diluha shay. La rien ne vaut mieux que la sécurité. Ça va? Donc si tu trouves, c'est comme moi, une fois je suis allé dans une mosquée comme ça, je ne dirai pas le nom, mais je vous ai déjà dit ça. Arrivé là-bas, bon, alhamdoulilah, ils avaient fini de prier Maghrib. Moi, j'ai fini de prier, je me suis assis. Ils sont venus, ils ont déposé leur pagne blanc. Moi, je suis en train de faire mes askars. Ils ont déposé leur pagne blanc, et puis ils sont venus m'entourer. Je tourne à gauche, je vois, il y a des gens, ils ont des tasabias, ils sont en train de zikrer. Aïe! Non, vous me mettez au milieu, quoi. Je me suis levé, je suis parti. Hein? Tout le monde me regardait dans la mosquée là. Alors, Koul Lehar, c'est un peu ça. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous fortifie. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.